y'a des méthodes et on tactique. Maintenant on t'a dit faut les métalliques. Comme mes bébés on est dramatique. Zach vous dit problématique. Faut nous être un arbre de l'Atlantique. Amener risque et terrasse et nous j'la pique. On vient Instagram, vas-y, n'a explose. Avant life et case, n'est pas gratis.